بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره لا يرجى إلا خيره ولا لا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره فتبارك اسمه وجل ذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد عودة حميدة بإذن الله جل وعلا. Mes frères, on va essayer, sur Allah al-Tawfiq, de conclure ce qu'on a commencé tout à l'heure concernant la vie de Shaykhuna al-Imam Muhammad Shamsuddin ibn Abi Bakr al-Ma'ruf ibn Qayyim al-Jawziyyah rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Moulahab, j'ai dit al-Imam. Taïb, Cheikhuna al-Uthaymin rahimahullah, dans la muqaddima de son charh de Bulugh al-Maram, nous dit une faïda importante. Il parle itlaq al-qawl bil-imam laysa fi haqqi al-jami' يعني يخطئ الكثير في إطلاقهم هذا الوصف على جميع العلماء وإنما الإطلاق بالإمامة خاص ببعض العلماء دون غيرهم c'est-à-dire on remarque des fois qu'on a tendance à employer le mot « imam » de façon absolue, sans préciser le domaine, sur beaucoup de savants. Et Cheikh Al-Uthaymin rahmallah, il dit, il ne convient pas de faire cela, d'appeler n'importe quel savant « al-imam ». Parce que quand on dit « al-imam », comme ça avec « al-alif » ou « al-lam »,« al »,« al »,« qalu »,« hadihi », l'istighraq « al-jins ». D'accord ? Ça englobe la nature. Ça veut dire al-imam bima'na al-matbou', celui qui est suivi. Et quand on dit al comme ça, imam, ça veut dire qu'il est suivi dans toutes choses. Par exemple, quand je dis Ahmad ibn Hanbal, je dis al-imam. Na'am, kana muhaddith al-fuqaha wa faqih al-muhaddithi. Hafiz, alim, faqih, muhaddith, lughawi, adib, mutarjim, mu'arrikh, wa halum majarra. Donc un savant comme Imam Ahmad, on a le droit de dire al-imam. طيب maintenant le Bukhari مثلا le Bukhari je vais dire al-imam al-Bukhari fi al-hadith طيب là je dois préciser le domaine dans lequel je lui reconnais le rang de imam ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de science dans les autres domaines mais qu'il n'a pas atteint le même degré que les autres savants dans tous ces domaines là on dira al-imam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh on dira al-imam ibn al-Qayyim rahimahullah طيب Amma le fait d'employer le mot imam comme ça pour tout le monde, là. Sauf si on précise le domaine. Ça, c'est Kalam Sheikh Al-Uthaymin, celui qui veut plus de précision, qui retourne à la muqaddima de Sharh Bulugh al-Maram al-Musamma bi Fathi Dhil Jalali wal-Ikram fi Sharh Bulugh al-Maram. Taïb, hada Sheikh. Donc, on a vu ensemble an Sheikhina wa Alimina wa Faqihina wa Mufassirina. ولغة ونحونا إلى آخره ابن القيم plusieurs choses sa date de naissance qui se souvient l'année quand le frère tout au fond là-bas le 7 1000 ou là 100 000 Saint Barakallahu Fik le 7 du mois de Safar de l'année 691 on a dit qu'il a commencé Talab al-Ilm très tôt D'ailleurs, deux choses. Première, j'ai dit ta'lim wa hada khata. Wa ashkuru al-akh alladhi nabbahani an dhalik. Jazakallah. C'est ta'allum et pas ta'lim. Ta'lim ça veut dire enseigner et ta'allum ça veut dire apprendre. Donc c'est pas ta'lim al-lugha, mais c'est ta'allum al-lugha. Et wallahi les frères, c'est comme ça qu'on avance. Quand tu vois ton frère faire une erreur, va lui dire. Si ton frère il accepte le haq, il revient dessus, il n'y a pas de problème. Taï. La seconde, des frères ils m'ont dit, ouais mais akhi, on nous a dit qu'il fallait apprendre d'abord la aqidah. Quand je vous dis qu'il faut apprendre le Coran et l'arabe en premier, les frères, il n'y a pas une mauvaise compréhension entre nous. Taïb. Quand on vous parle des savants qui apprennent le Coran et l'arabe, ils ont 7-8 ans ces gens-là, à cette époque-là. Taïb. Et quand vous entendez les savants vous parler et apprenez l'aqidah, ils ont affaire à des gens qui sont adultes, qui sont doués de capacités mentales les permettant de comprendre ce qu'ils nous disent, les savants. Donc ils partent du principe où ces points, techniquement, vous êtes censé les avoir. D'accord ? Si on part sur la méthodologie de base dans l'apprentissage. Hatta il nous disait les ulama, ta'allamu thumma fahimu ou thumma fahamu. Apprenez, ensuite comprenez. Apprenez, ensuite comprenez. Les ulama nous disaient, on apprenait le Coran, on n'en comprenait rien. Et c'est après qu'on apprenait le tafsir. Taïb. Donc il n'y a pas de contradiction dans ce que je vous ai dit. Surtout aujourd'hui, alhamdulillah, on a beaucoup de frères, jazakumullahu khaira, qui ont fait beaucoup d'efforts dans la traduction des cassettes et des livres des savants dans l'aqidah. Maintenant, tu trouves en français l'explication de Usul Thalatha de Cheikh Al-Athamin en français. Tu trouves l'explication de Kitab Tawhid de Salah al-Sheikh en français. J'ai vu dernièrement qu'ils ont traduit l'explication de l'Wasatiyya de Cheikh Al-Fawzan en français. Wallah, il n'y a plus d'excuses, les frères. Il n'y a plus d'excuses. Sans parler, vous, par exemple, ceux qui habitent ici, les frères Hafidahumullah, Jazahumullah, Khaira, Wathabatahum, Wassaddadahum, qui font des doros ici assez souvent, je ne pense pas qu'ils mettent de côté ces points très importants. Donc, il n'y a aucun problème ou bien aucune contradiction dans le fait que tu puisses étudier ta aqida en français et en même temps étudier l'arabe et apprendre le Coran. Oulala ! Tout à l'heure, Iloula, Bouza, il m'a balancé là. Et je le retiens, il va voir. Juste une petite parenthèse. Moi, quand j'ai commencé à prendre le Coran, je savais pas lire l'arabe. J'avais 17 ans. Donc j'ai pris le petit Jouz'amma en français, le vers là. Je l'ai appris en phonétique. C'est vrai. À l'époque, je croyais que c'était comme Soudaïs. Alors, je suis tombé sur un enregistrement. Je voulais vomir. Après, j'ai trouvé Jouz Tabarak en phonétique aussi. Il est un peu plus grand, il est rouge. Je ne sais pas s'il existe encore. C'était en 98, ça. Et je l'ai appris. Allah ja'ala fi qalbi hubban li kitabihi. Alors j'ai voulu l'apprendre. Après, le problème, j'étais en problème. Il n'y avait plus de phonétique pour les autres sourates. Et en bon cassoul, en bon fainéant, plutôt que d'apprendre l'arabe, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, je prenais les cassettes avec le Walkman et j'écrivais en phonétique par rapport à ce que j'entendais et j'apprenais comme ça. Et un jour, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Alors, je prenais la page en arabe du fameux livre, du fameux page en arabe, page en phonétique, et je lisais, enfin plus ou moins, j'essayais de reconnaître les lettres par rapport à ce que je connaissais. Et c'est comme ça que j'ai appris à lire. En reconnaissant par rapport à ce que j'avais appris. Après, grâce à Allah, j'ai trouvé un frère qui m'a enseigné les règles de tajwid. Et après, j'ai appris en arabe. Mais si vous voulez, j'ai appris 7 hizb en phonétique. Non, mais dis pas, mashallah, c'est nul. N'apprenez pas en phonétique. La phonétique, c'est catastrophique. C'est n'importe quoi. Ah, tu vas en voir un qui va mettre une apostrophe, l'autre qui va mettre un 3, l'autre qui va mettre 2 A, un SAD, il va mettre un CCD, il va mettre 2 S, il va mettre un S avec un point, tu comprends plus rien du tout. Après, tu te retrouves avec des frères, on dirait, ils parlent, je sais pas en quelle langue, mais ils parlent pas en arabe, qu'on lise le Coran. Donc, les frères, c'est la phonétique. Ça, c'est une facilité qu'on tente de vous. Du moins, c'est un moyen qu'on tente de vous faire croire que c'est facile, mais ce n'est pas du tout vrai. Alhamdulillah, j'ai réussi à rectifier le tir, mais j'en connais beaucoup qui n'arrivent pas. Donc ne faites pas cette erreur là. pourquoi j'ai parlé de moi. Enfin, j'ai parlé de moi, j'ai oublié le pourquoi j'ai parlé. C'était quoi? Quelqu'un me rappelle? Ouais, avant ça. Barakallahu fik. Donc, Allah yahfadak, Allah yibarakfik, Allah yiqawwi khayrak, aykathar khayrak. Donc, on a dit que l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, vous me direz, moi, à l'époque, l'aqidah, je ne sais pas c'était quoi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il suffit de gérer son temps. Si tu sais gérer ton temps, et t'es sadiq, fi niyatik, t'es sincère dans ton intention, Allah, Allah, Azza wa Jalla, il t'aide. Taïb. On continue avec Ibn Qayyim, rahimahullah, parce que j'ai pas beaucoup de temps et je veux finir, inshallah. Donc, on a dit, donc la aqidah al-hasil, ça ne veut pas dire laisser la aqidah de côté, abadan. La aqidah aham shay, d'accord? Al-usul al-thalatha, al-qawaid al-arba'a, al-arba'a, kitab tawhid, kashf al-shubuhat, masail al-jahiliya, al-wajibat al-mutahattimat, ish al-wasitiya, إن استطعتم الطحاوية إن استطعتم التدمورية إن استطعتم ارتقوا ارتقوا في الكتب طيب وهكذا صاصي كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في كتاب توحيد يغفلوا يغفلوا يغفلوا يغفلوا ها لابد لابد طيب دوك لا نمبيش بارو on était en train de parler d'Ibn Qayyim رحمه الله et de sa faculté impressionnante à écrire et à décortiquer les textes religieux du Coran et de la Sunna et des paroles des pieux prédécesseurs afin de nous en faire sortir le plus d'éléments possible. Donc on a parlé de tout ça. On s'était arrêté sur les livres qu'Ibn Qayyim, rahimahullah, il a fait en voyage. Donc un élément supplémentaire nous montrant sa suprématie et sa large connaissance des textes. Pour être capable d'écrire des encyclopédies de tête en voyage, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. On a dit qu'il a écrit Zadul Ma'ad en voyage. Qu'il a écrit Miftah Dar Sa'ada en voyage. Qu'il a écrit Bada'i' al-Fawa'id en voyage. Il a écrit Tahdhib Sunan Abi Daoud en voyage. Il a écrit Al-Qasid al-Mimiya en voyage. On reviendra sur certains de ces points quand on parlera du Hajj d'Ibn Qayyim. Donc on a parlé en gros de ce qui a un lien avec Ibn Qayyim et l'ilm. Les savants desquels il a pris. Les actions, du moins les fonctions qu'il occupait. Il était imam, il était enseignant, il faisait le fatwa, il faisait des munadarat, des débats, et il était un écrivain. Taï. Maintenant, je voudrais qu'on parle de ses élèves. Taïb, la'alli ou akhir hada ila ba'd qalil. Là, j'en parlerai après, Inch'Allah. Maintenant, point très important concernant Ibn Qayyim, c'est ce qu'on appelle c'est descriptif en tant qu'être humain. C'est akhlaq. C'est caractère. Comment est-ce qu'il était? Alors, tout ce qu'on a pu voir et entendre d'Ibn Qayyim et Allah, il sait que c'est très peu par rapport à ce qui existe réellement, nous permet de savoir que cette personne était quelqu'un versé dans la science. C'était un océan. Et sachez que celui qui est sincère et qui sait que le fruit principal de la science, c'est la mise en pratique, ne peut être qu'une personne exceptionnelle, en fonction de ses caractères, de ses comportements, et du lien qu'il a avec les gens. Premièrement, Ibn Qayyim, rahimahullah, était quelqu'un de très social, c'est-à-dire qu'il était à la disposition des gens, qu'il les écoutait, qu'il leur donnait de son temps, s'il pouvait leur rendre service, yarhamukallah, s'il pouvait leur rendre service, il le faisait, s'il pouvait réconcilier des personnes qui se sont disputées, il le faisait, Ce qui a donné comme conséquence que les gens l'aimaient. Il était aimé des gens. Ibn Kathir, rahimahullah, dans un de ses témoignages concernant Ibn Qayyim, car on le verra tout à l'heure, Ibn Kathir était un élève d'Ibn Qayyim. Les bons donnent des bons. Il dit que les gens l'aimaient et qu'il aimait les gens. Et Ibn Kathir, il était fier de dire, et moi, j'étais la personne qu'Ibn Qayyim il aimait le plus. Après la mort de son cheikh Ibn Taymiyyah, rahmahoullah. Et wallahi, quand tu es aimé de quelqu'un que tout le monde aime, wallahi, c'est un fakhr, c'est une fierté. Imagine demain, je viens, je te dis, cheikh Al-Fawzan, il t'aime. Tu vas dormir ? Pas forcément, je dors pas. Taïb. Aussi, parmi ces caractères particuliers qui se doivent d'être des qualités chez nous tous, c'est qu'il épargnait aux gens son mal. Et ça, c'est un des points qui définissent le bon comportement, comme il a été rapporté d'après plus d'un prédécesseur. Le bon comportement, c'est « bazlul nada » وَكُفُّ الْأَذَا وَطَلَاقَةُ الْوَجْهِ. C'est donner tout ce qu'on peut donner comme bien et épargner aux gens son mal. Et parmi ce mal, entre guillemets, que les gens n'ont pas vu chez Ibn al-Qayyim, c'est Al-Hasad. Al-Hasad, c'est ce qu'on pourrait traduire en français par l'envie. Il y en a qui disent la jalousie. J'ai peur des amalgames quand je dis jalousie. Il y a un frère, je lui ai dit, et un frère il me dit, on m'a dit, c'est haram, le hased. Je dis, non. Il me dit, moi je suis jaloux avec ma femme, comment je fais? Je dis, non, c'est deux choses différentes. Il y a le ghayra et il y a le hased. D'accord? La jalousie et l'envie. D'accord? Comme envier quelqu'un. Et comme il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, pour définir, l'envie, le hased, il dit, antatamanna zawala ni'mati an akhik. Que tu espères que la ni'ma que ton frère il a, il ne l'est plus. C'est ça le hasoud. Al-Qahtani, rahimahullah, il disait dans sa nouniya, la tahsoudan ahadan ala na'ma'ihi, inna al-hasouda li hukmi rabbi kashani. N'envie personne sur les bienfaits qu'Allah lui a donnés. Certes, al-hasoud, l'envieur, ou comment on dit, celui qui envie beaucoup, comment? L'envieux, barakallahu fik. Il m'a sauvé d'un... L'envieux, il déteste, ismaa mlih, il déteste le décret de ton Seigneur. Parce qu'Allah, il a choisi que lui, il ait cette chose, toi tu ne l'as pas. Et toi, le fait que tu ne veuilles pas que cette personne il l'ait, que tu détestes qu'il ait cette chose-là, et que tu aimerais qu'il ne l'ait plus, ben c'est comme si tu n'étais pas d'accord avec le fait qu'Allah, il ait choisi cette personne pour qu'il ait cette chose-là, et que tu ne l'aies pas. Fais attention au hasad, ya akhi. Al hasad, da'un qatilun. C'est un mal meurtrier. Et c'est ce qui a causé la perte de Iblis. Comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Al-usul al-khataya. Usulul khataya. Usulul khataya thalatha. Et tu trouves ça dans Kitab al-Fawaid d'Ibn al-Qayyim. Lis-le. Lis tous les livres d'Ibn Qayyim. Rahimahullah. Il dit les mères, les origines des grandes erreurs sont au nombre de trois. Al-hasad, al-kibr, wal-hirs. Al-hasad, wal-kibr, wal-hirs. L'envie. Iblis, il a envié Adam, alayhi salam, lorsqu'il a vu l'honneur qu'Allah lui a fait en leur donnant aux anges de se prosterner devant lui. Et l'orgueil a poussé Iblis à refuser de se prosterner. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Ana khayrun minh. Je suis meilleur que lui. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. لم أكن لي أصحاب النحو إليو ياسين أصحاب النحو يمديرون سيكوا لام الجحود طيب ولا لا لم أكن لي. Ça, c'est une négation particulière que vous aurez le plaisir d'étudier avec Yassine quand vous ferez les cours d'arabe avec lui. Taï? Taï. Et dernièrement, l'hirs. El-hirs, c'est l'acharnement, si on peut se permettre une traduction telle que celle-ci, qui a amené Adam, alayhi salam, à manger de l'arbre qu'on lui avait interdit. Taï? Donc, l'hasad fait partie des fautes qui ont été faites en premier dans la création. Ibn al-Qayyim rahimahullah n'était pas envieux. Il n'avait de l'envie envers personne. Et il ne dénigrait personne. Et il ne citait les défauts de personne. Il ne citait les défauts de personne. Hein? Il y a deux hadiths. Le premier, le Inda Tirmidhi. Le second, je ne m'en souviens plus. Les deux sont daïfs, je vous le dis tout de suite. Les deux, ils sont daïfs. Et même un khilaf sur le deuxième, comme quoi il est maudou. Après le chat, ils sont daïfs. D'accord? Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il évoque ces deux hadiths, minbab, taqwiyat al-ma'na. Comme quoi le sens, pour renforcer le sens. Il dit, ces hadiths, même s'ils ne sont pas authentiques, leur sens, il est réel. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, pour s'en souvenir, man ayyara akhahu ala dhanbin lam yamut hatta yaf'alah. Man ayyara akhahu ala dhanb. Celui qui critique son frère sur un péché ne mourra que lorsqu'il l'aura commis. Ouais, hadith da'if hada. Lam naqul qala Rasulullah, la. Lakin Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah dit ma'naha sahih. Khalli 'alayk hadith ou la ghayr hadith. Mais l'information qui est véhiculée à travers ce hadith, elle est réelle min haythu al-waqi'. Dans la réalité, on a vu bit-tajriba beaucoup de gens qui se sont permis de critiquer des gens qui faisaient des péchés, on les a vus plus tard faire les mêmes choses. Je ne sais pas, vous avez combien de temps dans l'iltizam, dans l'istiqama? Moi, je dois en avoir une dizaine d'années. J'en ai vu des choses. J'en ai vu. Je pense que les frères qui ont plus d'années que moi, ils ont dû en voir encore plus. Deuxième hadith. نعم لا تظهر الشماتة على أخيك فيعافيه الله ويبتليك لا تظهر الشماتة على أخيك فيعافيه الله ويبتليك. Ne montre pas une animosité envers ton frère parce qu'il a commis un péché. Peut-être qu'Allah lui fera miséricorde et il t'éprouvera avec le même. طيب, si vraiment tu as quelque chose à reprocher à ton frère, va le voir, bismillah. Prends-lui la main, isole-toi avec lui. Ya Akhil Karim, Ya Abdallah, tu as dit telle chose. Tu as fait telle chose et tu ne devais pas faire ceci et cela. Taban, bien sûr, mustasheban al-ahadith ou al-adilla sahiha. D'accord? Bien entendu, en accompagnant ta nasiha avec les preuves authentiques. Taïb. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas écouté ta nasiha la première. Du premier coup, que ça y est, il est fini. Esbir ma'a. Patiente avec lui. Watawasaw bil haqq. On se recommande mutuellement la vérité. Watawasaw bil sabr. Et on se recommande mutuellement la patience. Tout à l'heure, on a vu quoi avec l'Akh Bouzaïd, hafidahullah, quand il a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il patientait avec son oncle dans le da'wah jusqu'au dernier souffle qu'il a eu. بعض المؤرخين يذكرون أنه كان يزور عمه 70 مرة كل يوم. Il y a certains historiens qui citent que le prophète عليه الصلاة والسلام visitait son oncle kafir 70 fois par jour pour qu'il dise la ilaha illallah. Toi tu lui aurais dit am, قل la ilaha illallah. لا خلاص انت كافر انت تمشي للنار. تغي دي الله تغي دي ما تو شي با تغي دي كوا ها ذن كون كومبران لي شوز كومون يفو كيل سوا فيت. دونك ابن القيم رحمه الله لا يؤذي احدا بقول او فعل. Il ne fait de mal à personne, que ce soit avec sa langue ou avec ses mains. Il ne critique personne dans ses défauts. طيب il ne critique personne dans ses défauts ou bien dans ses péchés. Hein? Il n'est pas envieux et il ne dénigre personne. Il ne dénigre personne. Et ça, c'est un témoignage d'Ibn Kathir, rahimahullah. On l'a dit tout à l'heure, Ibn al-Qayyim était quelqu'un de ferme dans ses convictions. Et lorsqu'il avait un avis, il ne pouvait pas revenir dessus. Sauf bien sûr si on lui montrait le haq bil adilla. Maintenant, s'il avait un avis et que tout le monde était contre lui, mais qu'il n'était pas capable de lui prouver qu'il avait tort, alors il restait ferme dans ses positions, même si ça devait lui attirer des ennuis comme aller en prison ou être frappé ou autre. Et là, j'aimerais, Akhi Karim, que tu te dises en toi-même et que tu penses tout à l'heure. Quand tu as vu Bouzaïd, il est là ou il n'est pas là, là ? Il n'est pas là. Je ne vais pas faire comme lui il fait. Hein ? J'ai vu qu'il avait, un truc dans les yeux, qu'il grattait. Je me demandais qu'est-ce qu'il avait. Après, quand il a dit, subhanallah, c'est vrai. Wallah, Yahri, regarde la facilité que tu as eue pour être comme tu es là. Est-ce que quelqu'un est venu te voir pour te mettre un couteau sous la gorge, te demander, t'es obligé de te raser la barbe, ou bien t'interdire de mettre le kamis, ou bien de t'interdire d'aller à la mosquée, ou bien est-ce que quelqu'un t'a pris par la main et t'a dit Okfur billah, sinon je te coupe la main? Est-ce que quelqu'un t'a dit dis que le Coran il est créé, sinon tu seras fouetté pendant des semaines? Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Tranquille, toi t'as eu droit au pack, tout en un. Tout en un. C'est-à-dire, tourous, dans ta langue, apprends pas l'arabe, c'est pas la peine, c'est en français. Chez toi, pas besoin de voyager chez les savants. Quoi? On est chauffé, on mange. Toi, des frères, c'est pas loin de la maison. Si c'est loin, il y a la voiture, il y a le train, il y a l'avion, il y a tout. Taïb, est-ce que tu as été éprouvé dans ton dîn? Est-ce que tu as été éprouvé dans ton dîn? C'est là qu'on voit les vrais. C'est ceux qui sortent de l'épreuve dans leur dîn victorieux. Hein? Vous connaissez Khoubaïb ibn Adi, radiyallahu anhu, un compagnon qui a été emprisonné par Quraysh. En le trahissant, ils lui ont fait croire qu'il y avait un sulh, qu'il y avait une réconciliation possible, alors il est venu à eux et ils sont tombés sur lui. Alors ils ont jugé qu'ils allaient le tuer. Ce qu'on appelle tamthil, c'est une mutilation à tamthil. Lorsque le jour prévu est arrivé, ils sont sortis. Tout le monde est sorti. Et ils ont été à Tan'im, cette zone dans laquelle vous allez quand vous faites le hajj. Vous remettre en ihram, ce qui est connu plus par les femmes qui à cause de leurs règles ont raté tawaf al-ifada pendant le hajj et qui vont refaire l'ihram avant de rentrer chez elles. À la kulli hal, Tan'im c'est une mantiqa, c'est une zone dans la périphérie de la Mecque, à l'extérieur du hil, à l'extérieur pardon, du haram, de la zone sacrée. Ils l'ont poussé jusqu'à là-bas. Les enfants lui jetaient des pierres, les femmes elles le poussaient, les gens ils criaient. Ensuite, ils l'ont porté, ils l'ont mis sur une planche ou là une table, et ils l'ont accroché. Et ils lui ont coupé chaque membre. Ils lui ont coupé les doigts, ensuite les poignets, ensuite les coudes, ensuite les épaules, taille. Et Abu Sufyan, radiallahu anhu, qui à l'époque n'était pas encore musulman, lui dit à Khoubaïb, « Il dit à Khoubaïb, تحب أن محمد مكانك وأنت آمن في أهلك. Dieu, est-ce que tu aimerais que Mohammed soit à ta place et toi tu sois à l'abri chez ta famille? Khoubaïb a répondu, radiallahu anhu, il a dit, la uhibbu an yakuna muhammadan, an akuna fi bayti fi ahli aminan, wa an yushaka muhammadun bi shawkah. Il a dit, je n'aimerais pas être auprès de ma famille en sécurité et que Muhammad soit piqué par une épine. T'aurais dit quoi toi? Est-ce que tu as été éprouvé dans ton din? Dans quoi tu as été éprouvé? T'as perdu ton travail? Ta voiture elle était en panne? T'es tombé malade? C'est ça tes épreuves? Ibn al-Qayyim rahimahullah يقول الحق ويصدع به. Il a un avis. On aurait pu dire c'est une mas'ala fiqhiya al-khilaf fihi wasi'. C'est du fiqh. C'est pas grave, la divergence elle est large. Non, هو يتبع الدليل. Il suit un dalil. Il dit le haq il est avec dalil. Faites-moi ce que vous voulez, je ne reviendrai pas dessus. Frappez-moi, fouettez-moi. Il le ligotait, il le mettait sur le dos d'un âne, il lui faisait le tour de la ville avec. Il dit regardez Ibn al-Qayyim, regardez Ibn al-Qayyim. Et qu'est-ce qui se passe? Des siècles après, on parle encore de lui. Hada ma'al as-siddiqin. C'est ça la finalité des pieux et des véridiques. Toi tu vas mourir, tu vas laisser quoi derrière toi? Des dettes? Des gens qui parlent sur toi en mal? Des enfants mal éduqués? Des femmes qui se plaindront de toi? Qu'est-ce que tu vas laisser? Yahri, n'oublie pas l'intérêt de ces cours-là. Et wallah, un des points les plus impressionnants chez Ibn al-Qayyim dans ses qualités, wallah, c'est un point j'ai honte d'aborder. Il s'agit de sa modestie. Il y a des gens, subhanallah, lorsqu'ils veulent paraître modestes, astaghfirullah, t'y crois pas. Et peut-être même que j'en fais partie. Tu dis non, Arki, moi je suis rien, moi je connais rien. T'as vu. Wallah, et plus tu connais Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et plus tu vois dans ses livres des paroles faisant allusion à lui-même, dans lesquelles il fait preuve d'une modestie sans pareil. Et il a tendance à se minimiser à un point où on a l'impression qu'il n'a aucune valeur. Dans un de ses livres, qui s'appelle Tariq al-Hijratayn wa Bab al-Sa'adatayn, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il parle du verset où Allah Ta'ala il dit: Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah. Il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ensuite nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Tu sais c'est qui? C'est toi et c'est moi, ya. La communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Parmi eux, zalimun li nafsi. Il y en a qui se font du tort à eux-mêmes. Ibn Qayyim parle de ce verset. Et il commence à te décrire chacune des trois catégories. Il dit Zalimu li nafsi, c'est celui qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un résumé, c'est celui qui est négligent dans ses obligations et qui fait des interdictions. Ensuite, Al-Muqtasid. Muqtasid, c'est celui qui est au milieu. Il fait son wajib et il enlève, il ne fait pas le haram. D'accord? Et ça, c'est les deux catégories qu'il y avait chez Banu Israël. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Chez Banu Israël, il y avait ces deux catégories. Soit le ظَالِمْ لِنَفْسِهِ, celui qui se fait du tort à lui-même, soit le مُقْتَصِد, celui qui fait le wajib et qui délaisse le haram. Ils n'avaient pas la troisième catégorie. Et Allah dit après, وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Et la plupart d'entre eux étaient des pervers. Mais chez nous, on a une catégorie en plus. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et parmi eux, il y en a qui devancent les autres. Avec quoi? Avec le bien. Avec l'aide de qui? Avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Wallahi, quand il parle du muqtasid, toi quand tu lis le verset, tu te dis quoi? Moi je suis un muqtasid. Tu veux faire du tawadu, tu veux dire moi je ne vais pas me mettre dans la dernière catégorie, la plus grande, je vais me mettre dans celle du milieu. Mais après, quand il t'explique c'est quoi un muqtasid, tu dis, ouh là là, on n'a pas la même vision du muqtasid. Tu dis, le muqtasid, il se réveille avant soubh, il fait quelques raka'at. Ensuite, il va à la mosquée, il fait le fajr. Et il reste jusqu'à l'ushuruq à faire dhikr. Ensuite, il fait raka'atayn. Il rentre chez lui. Ensuite, il a un peu de Qur'an. Ensuite, il attend jusqu'à dhuhr, il fait al-rawatib. Non, il fait dhuha. Ensuite, jusqu'à dhuhr, il fait le rawatib. Après, il prie dhuhr. Après dhuhr, il fait le ratib encore. Je te passe la journée. Wallah, quand tu lis la journée du muqtasid, tu dis, je sais, moi j'ai lu ça, je connais pas de muqtasid. Et après, il dit, wa amma sabiqu bil khayrat. Maintenant, on va parler du top. As-sabiq bil khayrat. Wallah, les frères qui comprennent l'arabe et qui le lisent, je vous invite à aller lire ce qu'il a dit dessus. Tariq al-Hijratayn. Avant de commencer, il dit wa qabla an nasifa ha'ula nastaghfirullah min an nasifa aqwaman lam nashum lahum ra'iha. Ibn al-Qayyim dit, je demande à Allah pardon de décrire un type de personne desquelles on n'a même pas senti l'odeur. Des gens, c'est Ibn al-Qayyim qui parle, des gens qui sont loin de nous, dans leur ibadat, dans leur adhkar, dans le lien qu'ils ont avec Allah Azza wa Jal, dans la lecture qu'ils ont du Coran, hein, dans leur foi. Ibn al-Qayyim te dit ça. Il y a un de ses élèves qui a rapporté un poème, parce qu'on a oublié de le dire, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi était un poète. Un grand poète. D'ailleurs, vous connaissez tous Al-Kafiyat al-Shafiyah fi l'intisar lil-firqat al-Najiyah, celle qui est connue bi Al-Nuniyah. Le poème, il y a à peu près 5390 baits, vers. À peu près. D'après ce qu'il dit Bakr Abou Zayd rahmatullahi alayhi. En fonction des noussars, parce qu'il y a plusieurs éditions, du moins plusieurs versions, et des fois il y a des abiyats en plus ou en moins. Ce poème immense dans lequel Ibn al-Qayyim rahimahullah il faisait un secours de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a al-Firqatun Najiyah, dans l'Aqidah, dans d'autres abwab. Et je pense que vous avez tous écouté, plus ou moins, ça tourne sur internet, Wasful Jannah, la description du paradis. On trouve des gens qui la récitent. Ya taliban husn khayr al-hisan ya qasidan na'am ya khatiban khayr al-hisan wa taliban li wisalihin bi jannati al-hayawan law kunta tadri man khatabta wa man talabta labadalta ma tahwihi min al-athman ila akhirih. Hein, ça a été connu, les ulama ils en parlent souvent. Cheikh Mahmoud Khalil al-Harras rahimahullah il a fait un sharh sur an-Nuniyah. On a Abu Isa كذلك لنا فيها. On a le ta'liqa de Cheikh Salih al-Fawzan, on a le ta'liqa de Cheikh al-Uthaymin, on a le ta'liqa de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhim. Et j'en passe. C'est un livre très important que le talib ilm ne peut pas étudier. Donc Ibn al-Qayyim, rahmatullah, il a fait un poème dans lequel il parle de lui. Wallah, la première fois que j'ai lu ce poème, j'ai pas cru mes yeux. C'est un poème très court qui a une dizaine de vers. Je vais vous le lire. Donc vous savez maintenant qu'Ibn al-Qayyim, son père il s'appelait Ayyub. Et le père de son père, il s'appelait Abu Bakr. D'accord ? Et lui, il commence chacun de ses abiyats, chacune de ses abiyats, chacun de ses vers avec la même phrase. Bunayyu Abi Bakrin. Bunay, c'est le Moussaghar de Bani. Le petit fils, pas le petit fils comme le fils du gros, le fils du fils du père, là. Un fils, mais petit. Ça, c'est Inshara ila Tahqir, pour montrer comme quoi il commence en parlant de lui, mais en se mettant au plus bas degré. Il parle de lui. Il dit, écoutez-moi, Bunayyu Abi Bakrin Kathirun Zulubuhu, Falaysa ala man nala min irdihi ismu. Il dit, le fils de Abu Bakr a beaucoup de péchés. Alors celui qui touche à son honneur, je ne lui en veux pas. Bunayyu Abi Bakrin jahulun bi nafsihi, jahulun bi amrillahi anna lahu al-ilmu. Le fils de Abu Bakr est ignorant de lui-même, ignorant de l'ordre d'Allah. Comment aurait-il de la science ? بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وليس له علم بني أبي بكر demain il sera mis en avant, il enseigne une science alors que lui il n'en a pas. بني أبي بكر يرى العزم في الذي يزول ويفنى والذي تركه الغنم. Bunayyu Abi Bakrin, il met ses efforts et son acharnement dans ce qui part et ce qui périt. Il y a ce bas monde. Walladhi tarkuhu al-ghunmu. Ce bas monde, que le fait de le délaisser, c'est ça le butin. Donc là, il te fait croire qu'on voit ce bas monde. Enfin, il te fait comprendre que c'est lui l'impression qu'il a de lui-même. Il te fait comprendre que l'impression qu'il a de lui-même, c'est que ce qu'il fait, c'est pour ce bas monde. Alors que celui qui veut gagner, eh ben, il doit délaisser ce bas monde. Bunayyu Abi Bakrin laqad khaba sa'yuhu idha lam yakun fi s-salihati lahu sahmu. Bunayyu Abi Bakrin, tout ce qu'il a pu faire comme action seront rejetés s'il n'a pas une part dans les actions pieuses. Bunayyu Abi Bakrin kama qala rabbuhu halu'un kanudun wasfuhu al-jahl wadh-dhulm. Bunayyu Abi Bakrin est tel que son seigneur a dit, halu' ingrat, kanud un équivalent, wasfuhu al-jahl wadh-dhulm, il a été décrit par l'ignorance et l'injustice. Et ça, c'est dans beaucoup de versets du Coran. Inna al-insana khuliqa halu'a, pour le halu'a. Et l'autre, c'est inna al-insana li rabbihi la kalud. Et l'autre, wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Il a dit, Ibn Abi Bakr, il est comme Allah, il a dit halu'a, kanud, ingrat, jahil, ignorant, zaloum, injuste. بني أبي بكر وأمثاله غدا بفتواهم هذه الخليقة تأتموا. بني أبي بكر lui-même et ses semblables, avec les fatwas qu'il donne, on fait que la création les prenne comme guide. Donc tu comprendras avec la suite. وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْعِلْمِ بَاعٌ وَلَا التُّقَى وَلَا الزُّهْدُ وَلَا الزُّهْدِ وَالدُّنْيَا لَدَيْهِمْ هِيَ الْهَمُّ. Il fait, Bunayyu Abi Bakr et ses semblables, avec leur fatwa, ils ont fait que les gens les prennent comme guide. Alors que lui et ses semblables n'ont pas de part dans la science, ni dans la piété, ni dans l'ascétisme. Et pour eux, le seul souci, c'est ce bas monde. Là, c'est... Il parle de lui-même. Il y a le dernier bait dit فوالله لو أن الصحابة شاهدوا أفاضلهم قالوا هم الصم والبكم. Dit wallah, si les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam avaient vu de leurs yeux Ibn al-Qayyim et ses semblables qui sont les guides des gens de son époque, ils auraient dit ceux-là, ils sont aveugles, ils sont sourds et aveugles. Pas les gens qui les suivent, Ibn al-Qayyim. Et ce principe, il a été repris par al-Zahabi rahimahullah dans un poème qu'il a dit, il disait ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. Il disait pour le jour du jugement, il y a des gens qui ont agi, alors ils ont prié par crainte d'Allah et ils ont jeûné. Et nous, lorsqu'on nous ordonne ou on nous interdit, on est comme les gens de la grotte. Tu nous vois réveillés, mais en vrai on dort. Al-Zahabi rahimahullah. Un élève d'Ibn al-Qayyim. Regarde comment il parle d'eux. Et nous, quand on se voit, Masha'Allah, Allah ybarak. Masha'Allah. Moi, je ne peux pas trouver des compliments à donner vu que tu n'en as pas. Alors, on reste sur le Masha'Allah. Mais à la kulli hal, on est déjà au paradis. C'est bon. J'ai mis un qamis. Ça y est, je vais au paradis. Wallah, les frères, si c'était si simple. Et ils mettaient les qamis aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. La sunna l'a porté, alhamdulillah. Et il a porté mieux que nous, sans aucun doute. Et pourtant, quand ils entendaient les gens de l'enfer, quand ils entendaient les châtiments, eh ben, ils pensaient à eux, ils ne pensaient pas aux autres. C'est ça la différence entre nous et eux. C'est quand on entend parler du châtiment, nous, on pense, ah ouais, je connais un cousin, il est comme ça. Il ne dit pas, c'est moi, ça peut m'arriver ça. Non, il dit pas peut-être que c'est moi qui parle. Là, il pense direct à son voisin, son cousin ou à quelqu'un d'autre. Pense à toi, ya akhi. Pense à toi. Je vais te voir l'imam Ahmed, rahimahullah. Il dit, Cheikh, qui a raison, Mouawiya ou Ali? Comme aujourd'hui, on peut revenir te voir, on te dit, t'es avec qui toi? Cheikh Antel ou Cheikh Antel? Ah, t'as pas le droit à l'erreur là. Tu donnes le mauvais nom. Ça y est, mchit. Alors ils ont fait la même chose, l'imam Ahmed, rahmallah. Ils ont dit, Cheikh, mana haq, ou mana ala sawab, Ali ou Muawiya. Connaissez la qissa entre Ali et Muawiya? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Ahmed, rahmallah? Chauffe le dhaka, chauffe l'intelligence. Il a regardé comme ça, il lui a dit, tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum, wa la tus'alouna amma kanu ya'malou. Il a dit, voici une communauté qui est passée. Ils auront ce qu'ils ont acquis, comme récompense ou autre, et vous, vous aurez de même. Et vous ne serez pas interrogés sur ce qu'ils ont commis. Vous ne serez pas interrogés sur ce qu'eux, ils ont fait. Pourquoi tu me demandes? Oui. Après qu'on ait parlé de Akhlaq ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'on ait un léger aperçu sur sa ibada. Comment il adorait Allah, tfadal, Azza wa Jal. Ibn al-Qayyim, il était connu en premier dans Majal al-Ibada pour la prière. Comme on l'a dit, c'était un imam dans la mosquée, dans l'école où il a étudié, dans laquelle son père était le directeur. Il était imam. Et les gens souvent lui faisaient le reproche de prier trop longtemps. Il lisait le Coran de façon lente et il répétait les versets et il lisait des longues sourates. Et quand il faisait des recours, ils étaient longs. Et quand il faisait des soujouds, ils étaient longs. Et des gens venaient le voir et lui disaient, ya Cheikh, hawin alayna anta tawalt. Doucement, khafif, allège la prière. Et lui, il ne changeait pas ses habitudes. Bien sûr, il respectait la sunna dans la durée de la prière. On connaît la qissa de Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, et salat al-Isha. Afattan anta ya Mu'ad, est-ce que tu es un semeur de troubles? lorsqu'il a prié le Baqara dans l'Isha, non. Il faut respecter la sunna dans la, les surahs qu'on récite, dans, la, dans les prières obligatoires. Taïb. Comme la salat al-fajr, sunna c'est de la faire longue. Le Maghreb, des fois il la faisait longue, des fois il la faisait courte. Il a été rapporté de façon authentique, le prophète alayhi salatu wasalam, il a lu surat al-A'raf entière dans le Maghreb. L'A'raf il disait « Atwal al-Tulayn ». C'est la plus longue des deux longues, entre Ali Imran et Al-A'raf. Al-A'raf elle est plus longue qu'Ali Imran. Le prophète l'a lu en entier dans le Maghreb, dans surat al-Maghreb. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah respectait la sunna dans les surahs qu'il lisait en prière. Même si ça paraissait long pour les gens et qu'il se plaignait à lui, eh bien lui, il restait sur ses principes. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, était quelqu'un qui avait une habitude à laquelle il ne faillissait jamais. C'est la prière de la nuit. قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Et dans la nuit, veille, veille avec le Coran. تهجد به نافلة لك, des actions surrogatoires pour toi. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Peut-être que ton Seigneur t'élèvera par le biais de cette action dans un rang louable. Qiyamul layl, la prière de la nuit. Cette ibadah, cette adoration, kadat an takuna mansiya ou kadat an takuna nasyan mansiya fi hadha al-jil illa man rahim Allah. Cette adoration qui est presque devenue un oubli dans notre génération. Mes frères, je pense que la plupart d'entre vous ici avaient déjà eu l'occasion de voyager avec d'autres frères. Et on est très fort pour passer des nuits blanches à discuter de tout et de rien. J'ai acheté une voiture. Hein, mon voisin, je me suis embrouillé avec lui. On a fait un match de foot. Je t'en passe, c'est des meilleurs au niveau des sujets. Et ça m'arrive de me réunir avec des frères et passer de longs moments, la nuit, à perdre notre temps. Des fois jusqu'à soubh. Des fois jusqu'à soubh. Et dans mon souvenir, j'ai en tête un frère qui s'éclipsait pour faire l'outre. Pour faire l'ouitre quelques minutes avant le fajr. C'est le seul qui y pensait. Ça veut dire qu'à notre niveau, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui pense à faire l'ouitre avant le fajr. Après une nuit blanche, à manger des pizzas et à boire du coca. Hein? Aïna souwam ul qouwam. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah dit sur Qiyam al-Layl. Non, ça me ferait du mal à moi, en fait, en premier. Mais, voilà, celui qui sait que le seul moment où il peut être seul avec Allah Azza wa Jal, à un moment où Allah subhanahu wa ta'ala il vient vers toi et il te dit qu'il m'invoque, que je lui donne ce qu'il veut, qu'il implore mon pardon, que je lui pardonne, qu'il me demande, que je lui réponde. Toi tu sais ça et tu ne te réveilles pas au moins une demi-heure avant le fajr pour dire ya Allah pardonne-moi. Non, Tu sais que un roi va venir demain dans ta ville pour distribuer aux gens des cadeaux, pour distribuer aux gens des trésors, et qui viendra dans un mois. Et tu sais quel jour il va venir et à quelle heure il va venir. Billahi alayk, est-ce que tu serais pas là-bas en avance des heures, voire même des jours? Et Allah Azza wa Jal, tous les soirs, toutes les nuits d'essentiel de ce bas monde. فَيَقُولُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ دُعَاءَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ. Et tu dors. Et tu dors. Ils ont demandé à Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Ils ont dit, ya Cheikh, j'aime Qiyam al-Layl. Et avant de dormir, je prépare de l'eau pour faire les ablutions. J'arrive pas à me réveiller. Al-Fudayl, rahimahullah, il a dit, Qiyam al-Layl, c'est un des plus grands honneurs qu'Allah donne à son serviteur. Et il ne le donne pas à n'importe qui. Et ils ont demandé à Hassan al-Basri, rahimahullah, ya Hassan, pourquoi on n'arrive pas à faire Qiyam al-Layl? Il a dit, kabbalatkum khatayakum. Il a dit, vos péchés vous ont enchaînés. Ils ont dit, Al-Hassan, ya Al-Hassan, pourquoi les gens qui font Qiyam al-Layl sont les gens qui ont les visages les plus resplendissants? Il a dit, ce sont des gens qui se sont isolés avec Allah, qui ont eu une intimité avec Allah, alors il leur a donné de sa lumière. Tu voulais savoir ce que nous le Qaïm dit sur Qiyam al-Layl, maintenant tu le sais. Et je t'avais dit que ça faisait mal. Ibn Qayyim rahimahullah, il faisait Qiyam al-Layl. Il n'y a pas une nuit où il a failli à ce rendez-vous qu'Allah Azza wa Jalla lui fixait. Ibn Qayyim rahimahullah faisait beaucoup de dhikr. Il était connu pour rester longtemps après Salat al-Fajr à l'endroit où il a prié à faire du dhikr. Jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Et lorsque les gens lui disaient, « Cheikh, le soleil, il est levé depuis longtemps. » Il disait, « Ce moment, c'est mon repas. Ce dhikr que je fais, c'est mon repas. Et si je le délaisse, je perds mes forces. Si je le délaisse, je perds mes forces. » Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'attendrissent? Hein? Après le Fajr, tu as l'impression qu'il y a une course. Le premier qui arrive dehors, il a gagné. Pour faire quoi? Pour avoir droit à ce qu'on appelle entre nous la deuxième mi-temps. Sahoulala, il y a un athar. Je vous le rapporte en vous stipulant que je ne sais plus s'il est authentique ou non. Donc ça a vérifié avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ils lui ont dit, est-ce que tu dors après le Fajr? Il s'est énervé. Il est devenu rouge. Il a dit, ni moi, ni ma famille, ni mes enfants, on dort après le Fajr. Il a pris ça comme une insulte. Et nous, combien de temps on dort? Ibn Qayyim rahimahullah, comme on l'a vu, il lisait le Coran différemment de la plupart des musulmans. Lorsqu'il lisait le Coran, il obéissait à Allah Azza wa Jal comme il le dit. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne vont-ils pas méditer sur le Coran? Ou bien est-ce que sur leur cœur il y a des cadenas? Ibn Qayyim rahimahullah, il lisait le Coran de nombreuses fois. Ce qui, grâce à Allah, lui a permis d'en sortir d'innombrables trésors. Wallahi, quand tu écoutes, quand tu lis le tafsir du Coran avec Ibn al-Qayyim, tu as l'impression qu'il te parle d'un autre livre. Tu as l'impression qu'on ne lit pas le même livre. Il te ramène un verset, il te dit « وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا يَلِي » Et c'est parti. Et dans ce verset, il y a comme leçon ce qui suit. Et 1, 2, 3, 10, 20, 40, mais tu dis « Subhanallah ». Où il va chercher tout ça? Un verset! Je ne sais pas si tu arriveras à sortir autant de fawaïd dans 10 hizb. Même Hatta ibn Kathir et ibn Rajab, rahmatullahi alayhima, il disait qu'Ibn al-Qayyim, lorsqu'il était en prison, il passait son temps à lire le Coran. Il ne faisait que ça. Et c'est dans ces moments-là qu'il en retirait le plus de leçons. Et enfin, une de ses particularités dans l'ibada, c'est qu'il était très attaché au hajj. Il a fait de nombreux voyages vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Il a d'abord une qasida qui s'appelle Al-Mimiyah, que Cheikh Al-Uthaymin rahmatullahi alayhi a expliqué. Vous trouverez ces cassettes dans le site. Cette qasida, ce poème, se finit par des mimes. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة خير أمال أمارة أمارة سلام جبلي خير إن شاء الله. على كل حال, un poème dans lequel Ibn al-Qayyim rahimahullah il a fait dans son voyage en allant à Mecca. Et ce poème là, il parle de Arafat, il parle de Muzdalifa, il parle de Mina. Il parle du tawaf, ou mes frères qui vont aller faire le hajj. Wallahi, habbada law tala'tum ala hadhihi al-qasida. Ceux qui vont faire le hajj cette année, inshallah, s'ils le peuvent, qu'ils lisent ce poème. Et encore mieux, qu'ils regardent ce que les savants disent dessus. Wallahi, quand vous serez sur place, ce ne sera pas la même chose. Quand il était là-bas, les gens de Mecca, ils disaient, wallahi, cet homme-là, il est ajib. Comment tellement il adore Allah. Il disait chaque fois qu'il le pouvait, il faisait tawaf. Il avait des particularités, yarhamukallah, dans l'ibada quand il était à Mecca que vous ne voyez pas chez les autres. Le tawaf, le Coran, le qiraat du Coran, le salawat. Il sait que raka'atayn à Mecca, c'est 100 000 raka'a ailleurs. Alors il faisait des raka'at, des raka'at, des raka'at, des raka'at. Et remplissait Shafak Allah wa afak wa ja'ala al jannata mathwak. Idhan, il faisait beaucoup d'adoration. Et Ibn Qayyim dit de lui-même que j'ai connu l'effet bénéfique de Zamzam quand j'étais sur place, car il est tombé malade. À un point, il n'arrivait plus à bouger. Et il prenait Zamzam et sur le verre, il lisait le Fatiha plusieurs fois de suite. Et il le buvait. Et grâce à Allah Azza wa Jal, il ne ressentait plus aucune douleur. Et chaque fois qu'il le faisait, il se rendait compte à quel point c'était bénéfique. Et quand les gens ils venaient se plaindre à lui de maux, de difficultés de santé ou bien des maladies, il leur disait de faire la même chose. Et il voyait que chez les gens, ça provoquait les mêmes réussites. On a dit, Ibn al-Qayyim, en chemin vers Mecca, il a écrit Al-Qasidatul Mimiyah. Et sur place, pendant son hajj, il a écrit Miftah Dar al-Sa'ada. Tout seul, sans aucun livre. Enfin, pas de livre avec lui, pas une aide intermédiaire. Tout de ma'indahu min al-ma'addati al-ilmiya. Tout ce qu'il a en lui-même comme bagage en science. Donc il faisait beaucoup le hajj. Il faisait beaucoup de tawaf. Et il lisait beaucoup le Coran. Et enfin, j'ai dit enfin tout à l'heure, c'est enfin ici, ce qu'on appelle le zuhd. Zuhd, comme a arrafahu l'ulama, tarku ma la yanfa'u fil akhira. En français, ils disent l'ascétisme. Mais la bonne définition du zuhd, c'est Al-Dhahabi rahmallah qui la donne, dans ce siyar, il dit, c'est le fait de délaisser ce qui n'était pas utile pour l'au-delà. Le fait de délaisser ce qui n'était pas utile dans l'au-delà. Hein? Et le wara'a, c'est le fait de délaisser ce que tu crains qu'il te soit nocif dans l'au-delà. Ce que tu crains qu'il te soit nocif dans l'au-delà. Taïb ? Donc, al-zuhd, t'as pas compris ? Vous êtes là ? Je répète, al-zuhd, c'est le fait de délaisser ce qui n'est pas utile devant Allah Azza wa Jal. J'en ai pas besoin devant Allah, alors je ne vais pas m'encombrer avec. Al-wara', c'est une chose, tu as peur qu'elle te soit nuisible yawm al-qiyamah, alors tu la délaisses. Et d'ailleurs, on voit dans Jami' al-Ulum al-Hikam d'Ibn Rajab al-Hanbali, dans le charh d'un des hadiths, je ne sais plus lequel, il parle, le hadith Ittaqillaha haythuma kunt, quand il explique la taqwa, il dit que beaucoup de salafs s'interdisaient des choses autorisées de peur de tomber dans le haram. C'est ça le wara'. C'est délaisser des choses dont on craint qu'elles ne soient nocives, yawm al-qiyam. Ibn Qayyim rahimahullah n'était pas connu pour avoir des grandes maisons, avoir des beaux vêtements, avoir une certaine richesse. Là, au contraire, il était connu pour se désintéresser de ce bas monde. D'ailleurs, à titre d'anecdote, Ibn Qayyim rahimahullah, il s'est marié, il a eu des enfants. Et parmi ses enfants, il a eu deux garçons qui étaient des savants, Ibrahim et Abdallah. Et son fils Ibrahim, il a eu un enfant qu'il a appelé Ayoub. Et lorsque Ibn Qayyim, il a appris la naissance de son petit-fils, donc du fils de son fils, il a voulu lui offrir quelque chose, mais il n'avait rien. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit le livre « Tuhfatul Mawdoud fi Ahkamil Mawloud ». Et il a traduit en français, je crois, ce livre-là en plus. Et il lui a donné, il lui a dit « Tiens, c'est un cadeau pour la naissance de ton fils, et je ne peux pas te donner, je t'aurais bien donné quelque chose de ce bas monde, mais je n'ai rien. » Regarde le cadeau. Il lui écrit un livre, je ne sais combien de temps, qui reste dans les annales, qui est lu jusqu'à aujourd'hui et qui sera lu après, Inch'Allah, comme cadeau pour la naissance de son petit-fils. Et il lui dit, je t'aurais bien offert quelque chose d'autre, mais je ne possède rien de ce bas monde. Ibn Qayyim, rahimahullah, comme on l'a dit, était le plus grand élève d'Ibn Taymiyyah. Ahmed Ibn Abd al-Halim ou Ibn Abd al-Salam Ibn Abd al-Halim al-Harrani Ibn Taymiyyah al-Harrani al-Mukannabi Abi al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullah, il était en Égypte. Et il est venu à Damas. Du moins, il est revenu à Damas l'année 713. Et là, Ibn Qayyim rahimahullah, il est resté avec lui jusqu'à ce qu'Ibn Taymiyyah meure. C'est-à-dire 11 ans après. Non, pardon, 15 ans après. Donc, en fait, il est resté, pardon, je me suis trompé, il est resté avec lui 16 ans. Ibn Qayyim, il est resté avec Ibn Taymiyyah 16 ans. Et je n'exagérerai pas si je dis jour pour jour. Et c'est là qu'on va faire référence à un point important que beaucoup de gens colportent et qu'on entend assez souvent et qui est faux. C'est la fameuse rumeur comme quoi Ibn al-Qayyim était soufi avant de rencontrer Ibn Taymiyyah. وَهَذَا خَطَأ. C'est une erreur. Hein? C'est une erreur immense. Ils te disent quoi? Madarij Salikin, ça prouve le sentier des itinérants, qu'Ibn al-Qayyim il était soufi. Subhanallah, ya akhi, en me disant ça, tu m'as prouvé que tu n'as pas lu Madarij Salikin. Parce que dans Madarij Salikin, il fait rad à la soufia. Subhanallah, il y a un problème. En plus de ça, dans Madarij Salikin, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit Sois sa'al tu Shaykh al-Islam. Et j'ai demandé à Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Alors ils te disent qu'il était soufi avant de connaître Ibn Taymiyyah. Et que Madarij Salikin, c'est un livre qui prouve qu'il était soufi, alors que dans Madarij Salikin, il fait un rad sur les soufis, et en plus, il te dit, j'ai interrogé Shaykh al-Islam. Il y a un problème. Il n'a jamais été rapporté dans aucun des livres d'Ibn al-Qayyim qu'il était soufi. Ni de lui-même, ni que quelqu'un l'ait dit sur lui. Mais, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il avait, comme il dit, cherché la vérité. Il avait cherché la vérité, et quand tu lis dans Nouniya, ce fameux poème de 5000 et quelques abiyats, il te dit, et j'ai cherché, j'ai tourné dans les madahib, j'ai tourné dans les groupes, al-ashaira, al-kalam, ilm al-kalam, al-ta'wil, hein, ceux qui interprètent les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou ceux qui sont rentrés dans la philosophie gréco-romaine et autres, il a dit, moi j'ai connu ça, parce qu'avant il était éprouvé par cela. Et c'est en rencontrant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'il est revenu dans Ahlus Sunnati wal Jama'a. Amatani Allah wa iyyakum ala sabilihim. Qulu amin. Qu'Allah nous fasse mourir Sur le chemin d'Ahl Sunnah wal Jama'a, oulala. Taï, faites peur là, je rentre chez moi. Hein. Et dans deux passages de Nouniya, il parle de Cheikh l'Islam, il parle d'Ibn Taymiyyah, et il parle de lui, Allahu Akbar. Et il lui montre sa gratitude et sa reconnaissance, et il invoque Allah en sa faveur, et il dit bien qu'il était dans l'ilm al-kalam, dans le entre guillemets, la science du, de la, comment tu traduirais ça? Comment? La spéculation. Oh, je n'ai pas trouvé ce mot-là. La spéculation, c'est, hein, avec de la philosophie, on va, on retourne, on va partout sauf là où il faut aller. Et c'est ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il avait avant de connaître Ibn Taymiyyah. Pas de soufia, mes frères. Deuxièmement, concernant ce qu'on attribue à Ibn al-Qayyim qui est faux, et ça, il faut avoir lu un peu pour connaître. Certains qui prétendent qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait que l'enfer, un jour, il disparaîtrait. Cette parole-là, elle a aussi été attribuée à Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ceci est faux, aussi. Et si on nous dit que dans Kitab al-Ruh et dans Kitab Hadi al-Arwah et la Bilad al-Afrah, Ibn al-Qayyim, il y fait référence, tu n'as pas compris comment Ibn al-Qayyim procède. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il ramène les aqwal qui existent dans les madahib et les tawaif, après il rajah. Et des fois, il arrive que Na'im il ne rajah pas. Et il y a beaucoup de gens, mais même des savants, qui ont confondu le rapport qu'Ibn al-Qayyim il ramène sur certains groupes ou bien certaines personnes, et ils l'ont attribué à Ibn al-Qayyim. Mais si tu veux une preuve qu'Ibn al-Qayyim ne voit pas que l'enfer disparaît, retourne à Sharh al-Wabil al-Sayyib. Al-Wabil al-Sayyib, c'est un livre d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que Ibn al-Qayyim a lui-même expliqué. Al-Wabil, c'est la pluie, Al-Sayyib, c'est la bonne. Elle qui laisse des traces, qui fait pousser les fleurs, qui donne la vie. C'est un livre d'Ibn Taymiyyah dans le dhikr. Et Ibn al-Qayyim, dans ce livre-là, il dit bien clairement que l'enfer, pour les kuffars, ne disparaît jamais. Et qu'ils y sont éternellement, ils n'en sortiront jamais, qu'Allah me préserve, ainsi que vous et nos familles, de l'enfer. Taïb ? Donc, ne répétez pas tout ce que vous pouvez entendre. Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhima, ne disaient pas que l'enfer disparaîtra. D'ailleurs, l'il-fa'ida, il y a un des élèves de Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, hafidhahullah, qui a fait un livre dans lequel il prouve qu'Ibn Taymiyyah ne disait pas ça aussi. Et Cheikh al-Rajihi, il a fait le taqdim. Il a fait la préface. Retournez-y pour ceux qui veulent plus de précision. Taïb. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il est resté avec Ibn Taymiyyah jusqu'à ce qu'Ibn Taymiyyah meure, rahimahullah, qui était ceci, qui était en l'année 728. Et il y a des gens qui ont dit qu'Ibn al-Qayyim, c'est une copie conforme d'Ibn Taymiyyah. Wa hadha khata. Aïdan. Et ça, on peut le prouver de différentes façons. Premièrement, le fait qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il ait fait référence à des sujets qu'on ne trouve dans aucun écrit d'Ibn Taymiyyah. Par exemple, les sujets abordés dans le kitab Miftah Dar Sa'ad d'Ibn al-Qayyim, ainsi que dans Zayd al-Ma'ad, dans Hadi al-Arwah et dans d'autres livres d'Ibn al-Qayyim, font référence à des sujets qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, n'a pas abordés dans ses écrits. Deuxièmement, dans certains des avis qu'il avait dans des masaïl fiqhiyah, dans des cas de fiqh. Il y a des exemples dans les livres que j'ai trouvés, mais rien que pour expliquer l'exemple, je crois qu'on en a pour une demi-heure. Donc, Al-Hasil, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, n'était pas... Je m'abstiens de vous faire part de ces exemples, pas en vous dénigrant ou bien en me disant que vous n'avez pas le niveau, mais c'est les dhikr al-waqt, faqat. Hacha. Et donc, il y a, dans beaucoup de cas, Ibn al-Qayyim n'était pas d'accord avec Ibn al-Taymiyyah, rahmatullahi alayh. Et dernièrement, dans le fait qu'Ibn al-Qayyim avait des fois, dans une seule question, un ou deux avis. Ou bien des fois, il avait un avis et dans un livre, et dans un autre livre, il disait, j'ai changé d'avis, je suis passé dans cet avis-là. Ce qui prouve qu'il bâtissait ses convictions en fonction de l'étude qu'il avait des textes, pas en fonction de ce qu'il a pris de son cheikh. Il y a même des savants qui ont été jusqu'à dire qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il était plus fort qu'Ibn Taymiyyah dans certains domaines. Hein? Il y a des savants qui ont dit qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, était plus fort qu'Ibn Taymiyyah dans certains domaines, notamment dans tout ce qui a un lien avec Tazkiyatun Nafs, la purification de l'âme, avec Marad Amrad al-Quloub, les maladies du cœur, et notamment aussi dans la façon de répertorier et de classer les thèmes abordés dans un seul livre, et autres. Hakada. Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah a laissé un impact très très fort dans Ibn al-Qayyim, dans sa façon de comprendre les textes, dans sa façon de comparer les avis et dans la méthodologie de toujours revenir aux paroles des plus prédécesseurs. De toujours revenir aux paroles des plus prédécesseurs et de tenter de sortir, d'extraire au maximum les règles et les moralités des textes. Et de ne pas s'écarter des textes. Falqaoul, comme il dit Ibn Qayyim rahimahullah dans Nounia, Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani. La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, et les compagnons ont dit, hum ulul irfani. Ce sont eux, les détenteurs de la connaissance. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan. بين رأي فقيه ورأي فلان. Hein? La science, ce n'est pas mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan. La science, ce n'est pas ta part dans la divergence de façon idiote. Je prends ici et là sans réfléchir, en comparant entre la parole de un tel et un tel. Non, c'est revenir au dalil. Voilà, cette qasida fait référence à de nombreux points. À de nombreux points. Même un passage dans Wasf al-Jannah quand il parle des chants des femmes du paradis. Hein, vous connaissez le hadith ? Que quand l'homme il arrive au paradis, ces femmes du paradis l'accueillent en lui chantant des chansons. Nahnu al-Khalidatu fala namutna. Hein ? Nous sommes les immortels, nous ne mourrons pas. Et ainsi de suite. Et bien Ibn Qayyim parle des chansons des femmes du paradis, avec lesquelles ils accueilleront leur mari. Après il parle des chansons, de la musique dans ce bas monde. Il parle de la musique. Et il y a un passage dans cette qasida, elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique et il te convainc avec des paroles claires que la musique, il n'y a aucun khayr dedans. Il n'y a aucun khayr dedans. Ala kulli hal. Ibn Taymiyyah rahimahullah a vraiment joué un rôle important dans la formation d'Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi. Ce qui montre et ce qui nous apprend à nous tous, mes frères, que un des points les plus importants pour bien apprendre son din, c'est s'accrocher au grand savant. S'accrocher au grand savant. Wallahi, mes frères, on a l'opportunité de vivre dans une époque où on a des très grands savants encore vivants, qu'Allah nous les préserve. Et en plus, qui sont joignables. Si tu ne peux pas aller les voir sur place, tu peux les appeler. Si tu n'arrives pas à les appeler, tu peux leur envoyer un fax. Si tu ne peux pas leur envoyer un fax, tu peux leur envoyer des emails. Moi, j'ai réussi à avoir des réponses à des questions en envoyant des emails. الشيخ الفوزان الشيخ الراجحي الشيخ النجمي رحمة الله عليه et d'autres. والله c'est faisable. Et quand tu pars sur place et qu'ils sont devant toi, ça c'est ouais, pas mieux. والله والله comme il disait Salaf, il disait quand vous êtes à la Bel-Ilm, il y avait 5 étapes. La première année qu'on arrivait devant le Cheikh, on faisait rien, on regardait qui? Regardait le Cheikh. La deuxième année, pendant un an, regardez le chiffre. La deuxième année, ils écoutaient le chiffre. Écoute, subhanallah, salaf, comment ils faisaient. Et tu comprendras comment ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Et compare avec comment nous on fait, et tu comprendras le reste. La deuxième année, on écoutait. Mashallah. Ils écoutaient, c'est tout. Pas un stylo, pas une feuille. La troisième année, on prenait des notes. La quatrième année, on apprenait. Ils apprenaient les notes qu'ils avaient prises l'année dernière. Et la cinquième année, on posait des questions. Wow. Toi, cinq minutes, tu arrives à tenir, psartek. Oulala, Cheikh fi soual. Et c'est parti. Eux, c'est salaf, rahmatullahi alayhim, yasbiroun, khams sanawat, yata'allamouna fiha, abra nadarihim ila l'ulama, al-adab, wal-akhlaq, wal-samt, al-hasana, thumma yasma'ouna minhum al-ilm, وجريانه إيش على ألسنتهم ثم يتعلمون كيف يكتبون ويقيدون هذه المعلومات الجامة الغافرة ثم يحفظون ويتعلمون ما قيدوه في السنة الماضية ثم يسألون الشيخ عما أشكل عليهم. Voilà comment ils faisaient. فأين نحن منهم؟ Où nous sommes-nous? طيب. Je me souviens, en 2004, j'ai assisté à un cours de Cheikh Salah Al-Haydan, Hafidhahullah, et donc il a répondu à des questions. Après, quand il a fini, il était toujours assis à côté de nous, il discutait avec des gens, et il y a un frère qui parle avec moi. Je ne sais plus de quoi on parlait, j'ai parlé d'une masala de Cheikh Albani, rahmatullah alayhi. Il y a quelqu'un qui m'a entendu, il vient me voir, il me dit « T'es un élève de Cheikh Albani ?» Je dis « Non, Wallah, j'aurais aimé, mais malheureusement, on s'est réveillé trop tard. Hein » Et alors il commence à me poser une question. Je dis « T'es malade ou quoi toi ?» Je dis « Cheikh Al-Haydan, il est là, 2 mètres de toi, et tu poses une question parce que j'ai dit Cheikh Albani. » Je n'ai même pas dit « Qala Rasulullah » ou « Qala Al-Fulan » ou « Laka » J'ai juste dit Cheikh Albani, c'est tout. J'ai rien dit d'autre avec. Je fais, t'as un alim à côté de toi, mon frère. Tu veux que moi, je te réponde à une question alors que lui, il est à côté? Va le voir, subhanallah. Il n'a pas été le voir. Pourquoi Allah, je ne sais pas, mais il n'a pas été le voir. À la kulli hal, Allah, on a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre. Quand on va à Mecca et qu'on passe plus de temps à Ben Daoud, à comparer entre le Mac Humper de Burger King et le Big Tasty de McDonald's parce qu'ils sont halal, et qu'on oublie de visiter les maktabat et les ulama, fait mushkila, mes frères. طيب اختم حديثي هذا والله الكلام حول حياة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله طويل. On va finir ce discours avec la mort d'Ibn Qayyim رحمه الله. Allah عز وجل القرآن كل من عليها فان. Tout ce qu'il y a sur elle, sur terre, est voué à la perdition. Allah dit subhanahu wa ta'ala, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Il ne reste que le visage de ton Seigneur, le plein de magnificence et de bonté. Et dans le verset Allah Azza wa Jalla dit, كل شيء هالك إلا وجهه. Tout est voué à la destruction sauf son visage. Et Allah Azza wa Jalla dit, وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. Et nous n'avons pas donné à quelqu'un avant toi l'immortalité. Est-ce que si toi tu meurs, eux ils vont rester vivants? Et par le prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme il disait le sha'ir, « وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَيًّا وَبَاقِيًا » Si ce bas monde, il restait pour ceux qui y vivent, et bien le prophète, alayhi salatu wassalam, il serait vivant, il resterait aussi. Mais il est mort. Et les autres, et tout le monde meurt. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir et ils vont mourir. On va tous mourir, mes frères. As-salihun wa at-talihun. Al-muttaqun wa al-mujrimun. Al-muslimun wa al-kafirun. Kullun sayamut. Tout le monde va mourir. Sunnatullahi azza wa jalla fi khalqih. La tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa voix dans sa création, c'est que tout le monde meurt. Wa huwa al-hayyu alladhi la yamut. Et place ta confiance en celui qui est vivant et qui ne meurt pas. طيب. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, il a été. Faut baisser le son apparemment. Ibn Qayyim rahmatullah azza wa jal, il a été mis en prison avec son cheikh pour l'histoire de. السفر السفر بالسين عفوا بقصد زيارة قبر الخليل. Le fait de voyager dans le but de visiter la tombe d'Ibrahim alayhi salam, après la fatwa qu'ils avaient fait, lui et son cheikh. Ils ont été mis tous les deux en prison dans des cellules séparées. Al-Qul'a fi Dimashq. Cette prison existe toujours. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, cette année-là, l'année 628, il est mort en prison. Sauf l'ulama, il meurt en prison, rahimahullah. Et dans de nombreuses fois où Ibn Taymiyyah il a été mis en prison, lui aussi passait pas son temps à se tourner les pouces. Pour réviser, il écrivait sur les murs. Il écrivait sur les mots hadith, et les afawaïd, et les aqwal, et tout ça. Et lorsqu'il sortait, ses élèves, ils étaient impatients de voir la cellule et de tout recopier. Et quand ils allaient comparer les paroles avec ce qu'il y avait dans les livres, ils ne trouvaient aucune erreur. Taïb, Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa qaddasallahu ruha, il meurt en 628. 728, pardon. En 728, Ahsan Barakallahu fik, il sort, et il meurt et ils font sortir Ibn Qayyim. Et Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi wa qaddasallahu ruha, sa da'wa. Et il a des élèves, des grandeurs, des savants, des lumières. La lumière, elle donne la lumière. Ibn Taymiyyah rahmatullahi était une cause pour Ibn Qayyim. Et Ibn Qayyim rahmatullahi était une cause pour de nombreux savants. Parmi eux, Ibn Kathir, sahib al-tafsir, ghaniyun. Ah, on m'a dit, il ne fallait pas dire ça. Mashhour, très célèbre, se passe de. Comment dirais-je? De descriptif. On a Ibn Rajab al-Hanbali. Et celui qui lit Ibn Rajab al-Hanbali, il sent l'odeur d'Ibn Qayyim. Pour les connaisseurs, la Ta'if al-Ma'arif d'Ibn Rajab, ou bien Jami' al-Ulum wal-Hikam, ou bien Sharhuhu, le Kitab al-Iman, min Sahih al-Bukhari, ou bien ces différents tafsirs, Nourun ala Nour. On a Al-Zahabi, rahimahullah, Al-Mu'arrikh, Al-Hafidh, Al-Muhaddith, صاحب سير أعلام النبلاء صالح صاحب تذكرة الحفاظ وغيرها من المصنفات العظيمة qui a fait de nombreux ouvrages, des encyclopédies dont on ne peut pas se passer. Il y a Al-Subki, il y a Al-Fayrouz Abadi, صاحب القاموس من طلبة الشيخ ابن القيم رحمه الله. Et d'autres qui sont très nombreux. Et voici que dans la nuit du jeudi 13 du mois de Rajab, dans l'année 751, qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, alors qu'il avait 60 ans, rend son âme à son maître. Après de nombreuses années dans Talabul Ilm et dans le djihad, Wallahi, hada djihad. Talabul Ilm, wa da'wa in Allah, min a'zami al-djihad. C'est quoi la preuve que la science, l'apprentissage de la science et le fait de la donner, c'est un djihad. C'est le verset où Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat al-Furqan. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. N'obéis pas aux mécréants et combat-les d'un grand combat. يرحمك الله. J'espère que c'est pas la grippe 1. Cette sourate, mes frères, elle fait référence au jihad. Et pourtant, elle a été révélée à Mecca بالتفاقي المفسرين. Et là, Allah Azza wa Jalla faisait référence à quoi ? À da'wa. Wal munadara. Wal ihtijaj. Wadahadu. Ish hujaji al kafirin. À la prêche, au fait d'argumenter et d'annuler les arguments des mécréants. Des mécréants. Bil ilm. Hada bil ilm. Même hatta certains savants, ils disaient que l'encre des savants est meilleur auprès d'Allah que le sang des martyrs. Hein? L'encre des savants est meilleure auprès d'Allah que le sang des martyrs. Parce que le martyr, quand il meurt, fisabilillah, quand il meurt là, c'est fini. C'est-à-dire que sa récompense, elle ne le touchera que lui. Et le khayr qu'il a fait sera restreint à lui. Alors que le alim, le khayr qu'il laisse après sa mort, il reste et il subsiste. Regardez, 1000 ans plus tard, à peu près, j'exagère, mais de nombreux siècles après la mort d'Ibn al-Qayyim, on est là en train de parler de lui, rahimahullah. C'est comme si on le connaissait maintenant. Et ça, mes frères, ça nous montre une chose, comme les savants nous disent, c'est l'ikhlas, la sincérité, le sidq, la véracité. Trouvez-moi des musulmans qui ne connaissent pas Ibn al-Qayyim. Trouvez-moi des mosquées dans lesquelles on ne trouve pas les livres d'Ibn al-Qayyim. Trouvez-moi des gens qui prétendent étudier la science et qui n'ont jamais lu un livre d'Ibn al-Qayyim. Trouvez-moi des gens qui n'ont pas chez eux Kitab al-Ruh ou bien Hadi al-Arwah, son livre dans lequel il écrit le paradis. Des années plus tard, des siècles plus tard, et nous tout le temps on dit quoi? Rahmatullahi ala Ibn al-Qayyim. Et on lit ses livres. Et on apprend. Et on évolue. Et on prend la maturité. Et on, inshallah, par sa cause, on devient meilleur. On se remet en question. On se remet à notre place. Parce que il nous a éduqués à travers ses écrits des siècles plus tard. Toi, des fois, ton enfant, tu lui répètes 26 fois en une minute, touche pas à la lumière. Il te regarde et il éteint la lumière. Je dis ça avec l'expérience. Taïb. Lui, il écrit une phrase dans un livre. Et 800 ans plus tard, eh ben, tu l'écoutes. Et tu fais dua pour lui. Et tu fais du khayr et les hasanat qu'Allah il te donne, eh ben, il les gagne lui aussi. Et ça, mes frères, ça prouve quelque chose. Ça prouve sidq an-niyya. Ça prouve la véracité dans l'intention. Et ça prouve l'ikhlas. Que si s'il avait un objectif, Ibn al-Qayyim, c'était le visage d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé dans cette communauté. Lorsqu'il est mort, rahimahullah, ils ont prié sur lui dans deux grandes mosquées de Damas. Et il y avait énormément de gens qui se bousculaient pour pouvoir porter son corps et pour pouvoir être dans les premiers rangs lorsqu'ils prièrent sur lui. Et comme il disait l'imam Ahmed, rahimahullah, « Bainana wa bainahum al-janaiz » Entre nous, Ahlul Sunnah, et eux, Ahlul Bida', les Janaïs, quand eux, ils meurent, il n'y a personne qui prie sur eux. Ou bien, très peu de personnes. Ils meurent et on les oublie. Amma ulama'una, al-Rabbaniyoun, al-Abraru al-Salihoun. Eux, quand ils meurent, c'est un choc immense pour la Ummah. C'est pire que si on t'avait annoncé la mort de tes parents. C'était la valeur des savants. Et les gens, ils prient sur ces savants-là, ils pleurent sur eux, et ils sont tristes, et ils se bousculent pour pouvoir porter son corps, et ils se bousculent pour pouvoir l'enterrer. Et des siècles plus tard, on invoque toujours pour eux la miséricorde, on invoque toujours pour eux le pardon, et on demande à Allah qu'il les récompense de la meilleure façon pour tout le bien qu'ils ont fait pour nous. Il a été enterré donc à Damas, et sa tombe, hatta al-an, est toujours visible. Elle est proche de Bab al-Saghir. Et il est enterré pas loin de sa mère, qui était enterrée, bien entendu, là-bas aussi. Celui qui veut plus de précision, je l'invite à consulter le livre de Bakr Abu Zayd, rahimahullah, hein, Ibn al-Qayyim, wa atharuhu al-ilmiya, un livre dans lequel il fait donc sa biographie, et qui est très bien, que je conseille, dans lequel il y a beaucoup de fawa'id en dehors de la biographie d'Ibn al-Qayyim, et d'autres livres dans lesquels vous trouverez des éléments sur Ibn al-Qayyim. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est lisez Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Chaque fois que vous trouvez un livre d'Ibn al-Qayyim, eh ben, prenez-le et mettez-le dans votre bibliothèque. Si vous ne pouvez pas lire maintenant, ce n'est pas grave. Vous allez prendre l'arabe, inshallah, on va tous apprendre l'arabe. Et on va lire les livres d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. On va lire les livres d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme les savants, les grands savants nous conseillent. Asal Allah Azza wa Jal, an yataghammada ou an. أن يرحم شيخنا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمة واسعة وأن يجزينا عنا خير الجزاء وأوفره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم.